mauvaise nouvelle. En ce 24 février, c'est notre dernière rencontre avec Pierre Fort. J'ai le cœur qui saigne, mais je me dis qu'en juillet, nous allons nous retrouver et discuter encore de belles choses, de belles choses. Mais aujourd'hui, ne faisons pas attention, madame, mademoiselle. Monsieur, en ce 24 février, n'allons pas trop loin. Nous sommes ici et maintenant, et comme disait un... Ah oui, c'est vrai, lorsque j'étais étudiant en philosophie, le professeur, lors de notre première rencontre, devant la classe, a écrit sur le mur « Être au monde, c'est être toujours déjà là. » Je répète, « Être au monde, c'est être toujours déjà là. » Donc là, je suis ici devant vous. Vous m'entendez, j'espère. Ou non, à souhaiter que tout soit filtré et que juste les bonnes partitions, les bonnes structures et les bonnes articulations passeront à la radio. Mon Dieu, ça va durer 50 secondes. Oh, t'es drôle. Juste la musique. Non, ça va durer 56 minutes. Puisque uniquement la chanson, les chansons de Pierre Fa seront diffusées. Parce qu'il y a là de l'intelligence. Contrairement à toi, mon petit champion. On pleure depuis des années sur ta condition. Mais là, ce 24 février, vivons l'instant présent. Parce que vivre au monde, c'était ça veut dire aussi ça. Vivons l'instant présent. Car à ce moment précis, nous sommes là, vous à la radio, vous avez syntonisé CKRL le 89.1 Québec, et moi sur CKRL. Donc, remarquez-vous, Monsieur Tremblay, l'interrelation, c'est pas unidirectionnel, c'est bidirectionnel, les deux. Il y a un aller puis un retour. On peut même chanter ensemble tout à l'heure. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais là, en ce vendredi 24 février, monte le volume et hume la différence. C'est parti, mon qui? Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! J'ai bouclé ma ceinture. Non, c'est important de le dire à la radio, ce qui se passe avant, là. Les gens sont curieux. Lorsqu'on se procure des DVD, de moins en moins, là, mais ça peut arriver. Moi, c'est le Blu-ray. Puis dans le Blu-ray, je ne sais pas s'ils mettent encore des bonus, parce que moi, je suis encore un inconditionnel du DVD. Le jour, ça me surprendrait, là. Ou les films, mes films. Éric Rohmer est-il rendu en DVD? Je crois pas. Maurice Pialat est-il rendu en DVD? Godard! Oh, sans doute que Godard, oui. À bout de souffle, les gros titres, là. Mais l'œuvre complète de Godard en DVD, non. En Blu-ray, non. Moi, je les ai en DVD. Mais j'ai arrêté en 2009. Parce que c'est un coffret qui renferme, 52 titres. On peut-tu dire des titres lorsqu'on parle de film, monsieur le réalisateur? Réalisateur, tu réalises quoi, toi? Des rêves. Oh, c'est bien de réaliser des rêves. Mais surtout, réaliser nos rêves. Quand tu as une vie à vivre, c'est quand même important. Ben, comment ça? Il y a des gens qui n'ont pas une vie à vivre. Il y en a deux, trois. Ben, la femme chat en avait sept. Elle en avait sept. On peut en nommer déjà quelques-unes de ces vies-là. Elle était Madame Chat. Elle était artoquette. Elle était chanteuse. Elle était comédienne. Elle était sensuelle. Ça fait-tu partie de... Oui, sensuelle. Elle était sexuelle. Elle était francophile. On a trouvé les sept. C'est bon. Mais est-ce que francophile est une vie? Bon, peut-être. Oh oui, moi, je vis ma francophonie. Il y en a qui vivent leur vinaigrette. Oh, pour les gens qui ont... c'est pas pire. Pour les gens qui ont des références, là, vivre sa vinaigrette. Allez voir sur Internet. Vivre sa vinaigrette. Vinaigrette, là, comme une vinaigrette à salade. Mais surtout, ne tombez pas dans le panier. Panier à salade. Quoique, ça pourrait être intéressant. Tu sais, quand il y a des arrestations, là. Puis toi, t'as rien à te reprocher, là. Voyons donc, tu prends ton petit verre d'eau, pas de glace. Là, ben, quand t'arrives là, hein, au bar, on te dit, ben là, faut consommer. Ben oui, un verre d'eau. Non, non, non, faut consommer. Il faut payer, faut acheter. Ben, vous payez votre verre d'eau. Non, non, non, non, c'est des articles que l'on vend, là. Fait que là, tu commences à demander, avez-vous de la limonade? Oh, un bon verre de lait, un verre de lait. Puis j'aimerais aussi avoir trois petits biscuits au thé pour tremper dans le verre de lait. Hey, t'es pas dans un centre, là, de débilito. Oh, c'est quoi, ce débilito? C'est débilito adventuo. Ça, là, c'est de l'ancêtre du français. L'ancêtre du français. Le latin. Le latin, ça veut rien dire, ça. Comment? L'habilito felido. Là, je dois traduire, là. C'est quoi? C'est une métaphore. Il n'y a pas de métaphore là-dedans. Il n'y a pas de jeu de mots. C'est du latin. Latin, latin, latin, latin. Le latin, en moi, il attend. Il attend de comprendre, il ne comprend rien. Mais en tout cas, tu vas dans le bar. Tu veux même pas acheter d'alcool, là. On va oublier le lait, monsieur, là, parce qu'on voit bien que vous êtes arrêté. Quand vous êtes arrêté, vous stagnez. Et quand vous stagnez, qu'est-ce qui arrive? Vous usez le même coin du plancher. Bougez, bougez un peu. Bougez, faites n'importe quoi. Errez, errez, tiens. Quand vous errez, vous pouvez revenir au même point. Mais comme vous ne savez plus à quel endroit vous avez marché, fait que vous pouvez faire des allées-venues. Puis ce serait intéressant que quelqu'un, là, une émission, je ne sais pas, de entre guillemets scientifique, là, lorsqu'on marche sans aucun but, à combien de... Attends, je vais vous l'énoncer intelligemment. Combien de fois on revient sur nos mêmes pas lorsqu'on on erre? Moi, je dis la probabilité doit être quand même 1.005. Hein? Surtout si c'est un grand terrain. C'est sûr que si c'est des allées, ben là, tu reviens, tu remarches, tu reviens. Mais tu piles pas sur les mêmes carreaux. Quand même, moi, c'est le pic, le 2 de pique, moi. La carte de ma vie, c'est le 2 de pique. Ah ben, moi, c'est le Joker. En parlant de femme chat, le Joker, hein, c'est quand même les liens Batman. Alors vous vous sentez bâton rompu. À bâton rompu, ça, c'est, écoute, ça va bien avec l'émission. Puis là, je suis très content de la chanson que je vais vous faire écouter avant d'annoncer mon ami Pierre Foch. Je fais comme, tu sais, la projection, là. Ça. Puis j'ai un texte à vous lire. Puis sinon, vous, en ce beau 24 février, ça va bien? Votre vie? Votre semaine? Votre début d'année? Là, je suis content quand on a couché, quand on s'est couché sur le mois de février. Parce qu'avant, là, le mois de janvier, tout le mois de janvier, là, on se fait souhaiter bonne année. Ah, je ne vous l'ai pas dit, bonne année. Là, à un moment donné, au mois de février, on arrête, là. On devient des incontinents verbaux, comme... incontinents verbaux. Un incontinent, des incontinents verbaux, verbal, verbaux. Verbaux. Vers de beaux chemins, verdoyants. Marche, ma Marita, à la recherche de son prince charmant. Elle court et elle sautille et tente d'imiter le papillon. Mais malheureusement, on ne peut pas refaire la nature. Elle se pose innocemment sur une fleur. 145 kilos sur une fleur. C'est de la belle... C'est un bel atterrissage. Non, j'allais dire plein de choses, mais je ne veux pas non plus être trop dur avec cette dame-là que j'adore. Donc, écrasé sur cette fleur, parce que le mot écrasé, c'est pas pire. Hein? C'est, on n'a pas trop cherché... on n'a pas trouvé de synonyme le plus réel qu'écrasé. Piqué du nez, non, parce que c'est les fesses qui ont touché avant. C'est pas le nez. Pourquoi on dit piquer du nez? Pas compliqué, c'est parce que c'est la tête qui a écrasé avant le reste. Ou qui a atterri avant le reste. Donc là, devant cette fleur, cette abeille, dis-le. À chercher. À crier. Où es-tu, mon prince désarmant? Mais là, le prince n'était pas là parce que c'était pas l'heure. Tu sais, il y a des heures pour rencontrer du monde. Là. Quand tu te pointes là à 2h du matin, tu risques de te retrouver seul. Peut-être même dans le panier à salade. Hein? Tu sais, la fille, elle vit dans la chimère. Chimère, elle n'est pas mère, là, mais elle vit dans sa tête. Mais plus un lieu plus physique, dans un bar. C'est elle qui a embarqué avec moi dans le panier à salade. Pas juste moi, là, ben des autres, d'autres filles. Parce que ce bar-là, ouais, ben, y a une suite à ça, là. Servait de rencontre intime. L'alibi premier, c'est tu vas au bar, mais après ça, il y avait un rideau. Moi, je ne savais pas, mais j'avais bien vu le rideau. Je pensais qu'il y avait des drinks en arrière, tu sais, ben, de la boîte. On allait chercher le surplus là, pour alimenter le devant. Donc, en arrière de ça, il y avait un autre bar. Là, tu pouvais arriver avec ta copine, ton copain, hein, et c'était échanger. Tu pouvais l'échanger. La fille pouvait échanger son chum. Moi, ben, écoute, j'ai besoin de 4 pneus d'hiver. Je vais vous le laisser, là. Gardez-le parce qu'il n'est plus sa garantie. Ça ne m'intéresse plus, cette affaire-là. Ça ne fait pas à manger, ça s'effoie. Oui, ça se répand sur le fauteuil, oui. Puis, si vous voulez qu'il soit tranquille, vous lui donnez un câble au sélecteur. Il sélectionne n'importe quoi. C'est un imbécile. Il ne sait même pas ce qui se passe dans le monde, lui. Il est heureux de même, là. Puis, oui, de plus en plus, il va prendre de la place. Parce qu'il bouge, il engraisse, hein? Alors, vous lui donnez des croustilles, une boisson gazeuse. Puis, si vous voulez avoir une petite discussion, là, de la bière. Après 2-3 bières, il va vous parler ça, vous pleurez ça, il va brailler. Oh mon Dieu, il va te parler de son enfance. Mais ça, c'est une enfance fictive. Parce que son père est avocat, sa mère était notaire. Puis lui, c'est un bon rien. Il se fait vivre par ces deux personnes-là, des élites. Lui, ben, il cogite. Il reste là. Puis il est bien heureux d'être. Fait que moi, je vous le laisse, là. Puis les 4 nœuds, ben, c'est. Si vous. Ouais, installer. Poser, installer, balancer. Si vous voulez me le balancer par la fenêtre, lui, ça me dérange pas, mais pas mes 4 nœuds d'hiver sont plus importants. Fait que là, tu sais, t'arrives avec ton épouse. Là, tu dis à ton épouse, écoute, reste avec nous. Hein? Plus que 2? Ben oui. Là, t'en vois combien? Là? Ben, je sais pas, j'ai pris pas mal de drinks. Oui, c'est ça, alors tu en vois combien? Ah, mais j'en vois 5. Oh, chiffre impair. Non, 5, là, on va en enlever un. Mais parce qu'on n'est pas 5, on est 4. Mais j'en vois 5, je sais, mais on est 4. J'en vois 5. C'est bien beau d'en avoir 5, là, mais en réalité, il y en a 4. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec 4 personnes? Ben, on va jouer aux cartes, voyons donc, oui! On va jouer. Connaissez-vous ça, le trou de pète? On met des sous en dessous de nous. Mais en dessous de nous, sous nos fesses. Puis quand on perd, ben on met l'argent, on prend, hein, on se prend ça en dessous des fesses, puis c'est un jeu qui peut devenir crémeux, là. Ah, oh, il a pas dit ça. Oh, j'ai un texte à lire. Alors, panier à salade, bon, moi, innocemment, bon, je voulais avoir blablabla, donc je commande, je bois, blabla. Puis les policiers arrivent, attention, là, on sort pas. C'était des Belges. Oui, la police de Québec avait invité des Belges, et ça, c'est vrai, il y a peut-être 15 ans, pour voir notre réalité québécoise au niveau de la criminalité puis tout ça. Puis eux, là, contrairement au Québec, là, ils ont comme un petit cornet sur la tête. Là. Il manquait juste la petite boule de crème à glace, là, tu sais, la crème glacée. Tu dis, voyons donc, c'est pas sérieux, ça. Ça a l'air d'un costume d'un restaurant. Mais non, c'est des policiers. C'est des gendarmes belges. Là, ils nous arrêtent parce que c'est eux là, qui prennent la ils manient. Quoi? C'est ça. Ils prennent l'affaire en main, comme on dit dans le milieu de la judiciaire. Mais c'est pas juste dans le judiciaire, l'affaire en main, quoi, que le bureaucrate. Oh, tout le monde peut prendre l'affaire en main. Bon, moi-même, je prends l'affaire en main à des moments. Je n'ai pas à relater tous les moments. L'émission est déjà bien entamée. Puis là, j'ai un chat sur le corde. Attends, la deuxième corde. Ah oui, monsieur. Bon. Mais ce qui fait du bien là-dedans, c'est la glace. L'eau glacée déjante les cordes vocales. Fait que là, tu te retrouves là-dedans, dans le panier à salade, avec plein d'échangistes qui n'ont pas arrêté d'échanger, là. Ils sont dans le panier, puis ça échange. Puis là, à un moment donné, ça monte. Ça, c'est comme la... Comment t'appelles ça? La crème fouettée, c'est quoi de le dire? Ça monte. Que tout le panier à salade a collaboré à cette vinaigrette. C'était passablement... surrénaliste. Mais moi, je trouve ça intéressant. Tu sais, quand ça sort de l'ordinaire, j'ai un texte à vous lire. Ben ouais, tu le dis depuis tantôt. Ben normalement, ça devrait être... Arrête le normalement. Il n'y en a pas de normalité ici. Ça devait être un enregistrement. Mais mes deux piles sont à terre. À terre. Alors là, je les arrose. Ils vont peut-être pousser. Fini d'acheter des batteries. C'est peut-être comme des concombres. Quand tu places ça au sol, tu les arroses, ça fait des concombres. Les batteries, c'est sans doute la même chose. Bon, mon original qui dit, ouais, mais c'est... Bon, c'est pas végétal. La batterie, c'est pas végétal. OK. Même si c'est... Alors, ça doit être végétal pour que ça pousse. Ah bon, on apprend des choses. Je savais pas ça, moi. Non, mais je fais juste de l'observation innocente. Là. Je suis comme un bambin. Plus lent qu'un bambin. Là, c'est avant de dire, ah, c'est quoi ça? Je me dis, voyons donc, ça a bougé, ça? Ça n'a pas bougé. Je me refuse. Souvent, je me refuse parce que je me dis, si c'est pas la réalité, là, si je fabule, parce que tout le monde sait que j'ai la fabulation assez fragile, ça part. C'est comme l'eau chaude, là. En dessous de la marmite, là. Ça boue. C'est chouette quand ça boue, mais faut pas que ça bouille trop. C'est chouette quand ça boue. Avez-vous compris l'affaire? Le hibou, boue, chouette. Oh mon Dieu Seigneur. On y va avec le texte. Même deux textes. Ah non, OK, oui, je sais. Ah non, oui. Bon, arrête donc l'inconscient, là. Tu vas devenir collectif. Puis il faut arrêter. Il faut arrêter de laisser la collectivité ainsi. Oh, c'est quoi ça? C'est une élancée. Bon, non, je sais pas. C'est une manière de parler, là. Mais une manière. Quelle manière? Ben, cette manière-là. Toi, c'est bizarre, hein, parce que tu parles par la bouche. Oui. Puis il y en a un, là, en pleine guerre, là, qui a dit « Je vous parlerai par la bouche de mes canons. » C'est même pas lui qui parlait, c'est ses canons. Des boules. En plus, c'est même pas ses canons, c'est les boules qui parlaient. Il s'est mal prononcé là-dessus. Moi, j'aurais dit « Je vous parlerai par mes boules. » Parce que là, déjà là, on sait pas c'est quoi, là, les boules. Quelles boules? C'est un joueur de pétanque? C'est un gars qui s'adonne à faire des boules de neige et à les tirer. On les laisse dans l'ignorance. Comme ça, là, ils vont chercher comme des épais, là. On les nommera pas, non, on les connaît, les épais. C'est toujours les mêmes, heureusement. Ils sont là. Par les boules. Là, il y en a des pervers qui cherchent les boules partout, là. Hey, sont où les boules? Sont où les boules? Ça peut devenir une chanson, comme « Sont où les filles? » Ça, sont où les boules? Là, à un moment donné, là, tu l'entends, là. T'entends le canon qui part. Pouf! Là, tu vois arriver le gars arriver. Hein, c'est quoi? Ah, c'est les boules! Ah, les boules! Puis l'innocent, il sauve pas, il veut l'attraper! Quelle sorte de boule, c'est quoi, là? Parce qu'il sait pas, là! C'est indéterminé pour lui! Parce qu'il n'a pas dit « Je vous parlerai par la bouche de mes canons! » « Je vous parlerai par mes boules! » Là, l'intérêt pour ce gnochon-là, c'est de se dire « Quelle sorte de boule! » C'est des boules! Les petites boules qui roulent, sont remplies. Ça me semble lourd. Mais c'est pas si lourd, ça vole. Tu sais, l'innocent, tu sais, c'est pas si lourd, ça vole. Déjà là, il y a quand même une petite base là, d'intelligence, une petite, très petite. Une fine couche, une fine, tellement fine, là, t'as vois même pas. Hey, fine. Ah, elle fait la belle, elle se roule par terre. Ah, mon Dieu. C'est comme le pain. Le pain. Tu lui dis, ah, t'es belle. Fring, elle s'est là, elle fait, elle tourne, elle fait de la boule. Bon. Fait que lui, il la voit bien arriver, la boule. Mais là, comme c'est un militaire, ce qu'il voit arriver, ça lui fait allumer. Tu sais, il allume, mais lentement. C'est tout lent là-dedans. Tout est lent. Tout est... Puis c'est mieux comme ça, là. Hein? Mieux vaut partir dans la lenteur et l'allégresse que dans la vivacité et le tumulte. Quoique il y a des gens qui veulent partir dans le tumulte, et je les comprends aussi. Bon. Mais lui, c'est pas ça, son cas, là. Son cas, c'est... Une boule. Puis là, la, comme je disais, plus elle arrive, plus elle grossit. Là, lui, il commence à allumer. Ça ressemble. C'est une boule de canon. Pendant qu'il dit canon, pouf! Fini. La boule de canon a fait un trou. Et dans le trou, le gars s'y est trouvé. Donc, on n'a pas eu à creuser. La boule l'a fait. Et lui, heureux d'avoir attrapé la boule et d'être enterré avec elle, c'est un idiot heureux. Comme bien des idiots heureux. C'est comme ça que ça finit l'histoire, là. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. Merci, il faut l'en délire. Tu sais, ça dépend. S'il y en a juste un qui applaudit dans ma tête, je peux en voir plein. Puis j'ai juste enlevé mes lunettes, là. Il y en a des millions. Parce que, ma vision est embrouillée. Et je place ma lunette, mais mes lunettes, pas ma lunette, j'ai pas une grande lunette. Une lunette d'approche, là. Il y a une boule. Non, moi, c'est des lunettes très... Pour une fois, je suis traditionnel là-dessus, oui. Parce que j'ai essayé la lunette crémeuse ou traditionnelle. La crémeuse, ça me coule partout sur le visage. Puis on dirait que la lentille me dégoûte. Ah, mon Dieu, j'ai l'air d'une... Ouais. D'une Vierge Marie qui suinte. Ah, oui. Puis là, tu sais, tu me places là, devant une foule. Puis les gens disent, ah, c'est un miracle, elle suinte. Mais non, c'est mes lunettes. J'ai mis de la crémeuse. J'aurais pas dû, mais hein, bah, là, tu te ramasses ta lunette. Ah, faut pas manger sa lunette parce que c'est très, très nocif. Ce qui est nocif, c'est pas la monture. C'est le verre. Moi, j'ai. Exactement. J'ai des on appelait ça des doubles foyers à l'époque. Je crois même que ça fonctionnait avec des bûches. Maintenant, c'est plus double foyer. C'est comment ça s'appelle, donc, rétractif? Oui, je sais, vous l'avez, vous le dites. Dites l'ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. C'est ça, exact, vous avez raison. Alors, j'ai un texte à lire. J'étais dans ma voisine, sous les mains de ton, le chat de ma voisine. C'est pas celle-là. Il s'arrête pendant son parcours dans cette ville. Quelques ombres attendent. Quelques ombres attendent. Mets moins de réverbaux, s'il vous plaît, pour faire plus naturel. OK, parfait. Ça, c'est bien. Il s'arrête pendant son parcours dans cette ville. Quelques ombres attendent à la station. Il les gobe un après l'autre. Une après l'autre. Quelques ombres. Une ombre à la station. C'est une ombre. Il s'arrête pendant son parcours dans cette ville. Quelques ombres attendent à la station. Il les gobe. Oh non, c'est ça. Un après l'autre. Elles s'infiltrent, prennent une place et elles se regroupent là, au milieu du silence. Délivrez-nous du mal. Ouais. C'est beau, là, mais c'est parce que tu t'es arrêté souvent. Tu as même réfléchi à haute voix. Puis ça a donné comme une teneur d'étrangeté. Là, je sais que tu vas vouloir la répéter. T'aimes ça répéter. Tu fais pas comme le disait le chanteur, auteur, compositeur, interprète, cinéaste, vidéaste, poète. Même si tu te trompes, tu continues. Toi, tu veux vraiment rebûcher, là. Ben écoute, c'est ton émission. Fais-toi plaisir. Merci, merci beaucoup, merci. Il s'arrête pendant son parcours dans cette ville. Quelques ombres attendent à la station. Il les gobe un après l'autre. Elles s'infiltrent, prennent une place et elles se regroupent là, au milieu du silence. Délivrez-nous du mal. Ça s'arrête là, on va pas plus loin. Le texte est dit. Ça, c'est un vieux truc, oui. J'ai écrit ça en 2013. Non, pas 2013. Attendez qu'on est en 17... En 2013-2014. Et là, j'ai des petites phrases comme ça rigolotes. Parce que c'est... Hein, comment c'est une émission rigolote de drôlerie? Puis surtout, j'ai une belle chanson à vous faire entendre, puis j'ai bien hâte, puis on va changer de temps. Ça, c'est l'interlude. Parfait. Alors, il y a trois petites phrases comme ça. Tout est bon dans le cochon, même la monnaie. Tout est bon dans le cochon, même la monnaie. Une de tire-lire, la tire-lire. Oh. Avant ça, on mettait ça dans un cochon. Il n'y en a plus de cochon. Le cochon, c'est le gouvernement. Arrête de faire le cochon, puis garde-moi un peu d'argent dans mes poches. On appelle ça collaborer au rouage économique. Je le dis, je le sais, bon, je répète, et bon, c'est comme ça. Un autre. Délirez-nous du mal. Wouh! Délirez-nous du mal. Et le délire est ici ce soir depuis Bellon-là, la lurette. Et j'espère que ça ne se terminera pas Ou en tout cas, j'espère. 3 points de suspension. On se la souhaite longue, notre vie errante. Et je me souhaite aussi d'avoir beaucoup plus de personnes qui embrassent l'émission, pas moi, là, puis qui embrassent l'émission. Parlez-en. Et comme je le dis souvent, errance rénaldienne, c'est comme se masturber. On le fait, mais on le dit pas. Tu sais, on l'écoute, mais hey, penses-tu, je peux pas dire ça à Georgette. Georgette, elle plane déjà tout seul, hein, mon Dieu. Elle regarde la neige tomber, puis j'ai bu. Elle est partie. Imagine si elle écoute une émission aussi, désynchronisé. Bon, désynchronisé. Il vient de lancer désynchronisé. C'est désynchronisé. Une émission désynchronisée. Donc, le synchronisme n'est pas présent pendant au moins 120 minutes. On se le souhaite. Un autre texte, très, très rapide. On ne peut pas toujours avoir tout cuit dans la mouche. On ne peut pas toujours avoir tout cuit dans la mouche. Pas pire, hein? C'est de votre erreur rénaldien. Toutes ces choses-là, ces titillements d'esprit, c'est moi. Moi, je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma et je t'emmène au cinéma. Qui pleure. Là, c'est Claude Nougaro qui nous annonce un cinéma, un espace cinématographique où l'on peut vous raconter des histoires. Et ce soir, je vous présente mes deux amis, Ariski Belkacem et Brigitte Fontaine. En direct de l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro et King Size est vainqueur. À droite de votre écran, impossible. Super coupant.

regardes en l'air, tout le monde te regarde de travers. Quand le soleil surnage, tu nettoies les garages. Tes amis viennent rire de toi même si tu trembles de froid. Mais tu n'y pas papa. Tu prêtes à plaindre dans l'heure où ton ange en silence viendra s'occuper de toi. Des prophètes obscurs ont béni tes blessures. T'as fait voir tes cicatrices au mouchoir de la police. Le maître vit ta peine, on a rogné tes ailes. Y'a des poignards qui s'érissent dans ton coin de terre promise. Tu dis que ton ange en silence viendra te montrer les doigts. Oui. Essaye de mettre un héros de ce côté si la planète. Comme c'est de mettre un héros de ce côté si la planète. Oui, c'est de mettre un héros de ce côté si la planète. T'as pas dû voir les cryptos, surtout ne pas déranger. Tu traînes en ristos, t'aurais pu tomber du haut. Maintenant les curieux t'attrouvent, et même toi parfois tu doutes. Et tu dis que t'as pas peur. Tu prétends t'attendre, en ton ange en silence viendra te tirer de là. Tu dis que t'aimerais t'en partir loin dans la nuit. Tu parles de repentir, tu parles même de pas. T'es seul dans ton satellite et ton espoir prend la fuite. Y'a plus de toi qui va le rage qui t'a choisi comme otage. Mais tu dis que t'as pas peur. Tu prétends que t'attends l'heure où ton ange en silence viendra te tendre les bras. Mais c'est lloraré y

pas ensemble. Dommage, dommage. Peut-être il me ressemble, mais ne dis rien du tout. Nous serons si heureux. Nous serons. Soumis mon amour, mon âme, nous irons nager demain matin dans des eaux si pures, douces, bleues qu'elles seront juste pour nous, des eaux si claires comme tu veux. Oh, Yasumi, mon idéogramme. Nous irons cueillir le romarin par les jardins, faire tendre lieu qu'ils seront tendres pour nous, les jardins verts. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.